et revenir. Grandir et devenir. Le pouvoir plus que l'argent. Au revoir, monsieur l'agent. La vue mère, c'est soulageant. Et les grosses merdes, c'est soulageant. Nique ta mère. Ou c'est vrai, mon père était autoritaire. Ouais. Comme Vladimir, tiens la Russie. J'ai même pas le temps de passer le mi-père, moi. Et j'en ai un de Dubaï et un du Canada. Ou c'est grosse bécane noire et un S4. C'est pas les trucs de gang avec des bandanas. T'as qu'une seule cicatrice, c'est avec un petit cactus. Un vrai dandy de la tête, ça n'est pas de prendre la cesse. Ray, tu vas faire 2 mètres, j'avais 4 dans ma petite cabesse. C'est comme demander au Glock d'avoir la délicatesse. T'es pas la mafia ici, mon pote est sous ballon. Tu respectes plus les mecs qui ont des sous que ton daron. Avec le rap, y'a plein de petits que nous égarons. J'vais arrêter, je n'avais pas visé ce scénario. Y'a les chiens qui vont que le loyer, qui vont jamais s'approcher de moi. Fils de pute, tu veux prendre un loyer, je te fais croire, fais-je payer de moi. Jamais. C'est bâtard, on s'est levé tôt, pour être pro, on a fait des efforts. On m'a dit que c'est un vilain défaut, je sais pas, même quand j'étais mort. Hey, je me détends pas de ma mission, j'ai le flair et la vision. Ouais. Chez nous, les chiffres se multiplient, on ne fait plus les additions. Je le sais qu'une grande menace dépend du ton de l'addiction. Fils de pute. Une Rolex du petit prix, je maîtrise plus mes addictions. Non. J'en ai marre de travailler, j'en ai marre de batailler. Y'en a marre de la cahier, surtout marre de racailler. Oh non. Chez moi j'ai même plus un disque d'or. Mon respect pour la France est mort. Une vie simple soir rentre chez moi. Avoir une famille qui t'aime c'est fort. Fils de pute, ils veulent tout gâcher. Ça devient dur même si dur tu bosses. À l'école, la éducation, place qu'ils mettent dans la tête des gosses. La graine.